on passe à table ? Celle dans laquelle je vis. Vous savez où vous êtes, enfin, c'est la salle de catéchisme. J'étais avec les enfants tout à l'heure ici. D'accord. Leurs parents, c'était la rentrée aujourd'hui. C'était la rentrée du catéchisme tout à l'heure, avant que vous arriviez. D'accord. Oui, il y avait plein d'enfants partout avec leurs parents. C'est des salles qui servent un peu à toutes les activités de la paroisse pendant la semaine. On fait un tour de présentation en partant de là-bas. Ben, je m'appelle Farial. Je suis étudiante en psychologie. Je viens d'une famille musulmane. Donc, à ton tour. Je m'appelle Tanguy. Je suis prêtre ici à Aubervilliers depuis 4 ans. Ces rencontres interreligieuses où on parle de nos vies, on parle un peu de théologie parfois, sont nées de la rencontre avec Farial en février 2015. C'était un pique-nique organisé par le collectif Aubert Fraternité. J'étais assis à côté du pasteur Georges Letellier et Farial est venu s'asseoir devant nous. Non, c'est toi, t'es venu en face de moi. Ah oui, c'est moi ? Moi, j'étais déjà là. Hein. Et du coup, on a dû commencer à discuter, puis tu avais posé cette question, c'est quoi la différence entre un pasteur et un prêtre ? Voilà, et puis après, on s'est revus, et puis... J'ai gratté ton numéro de téléphone. Voilà, une amitié est née. Et on a commencé à se voir tous les deux sur le café de la mairie. Voilà, en terrasse de café. Ouzbek, bon, voilà, on est dans un café théologique, dans une banlieue parisienne. Moi, je m'appelle Anne, j'ai 38 ans. Autour des tables disposées en carré, une petite dizaine de personnes. Libéral. Des juifs, des musulmans, des chrétiens, des hommes et des femmes, des noirs, des marrons et des blancs. Chacun a apporté un plat à partager avec les autres. J'ai 33 ans. C'est une ambiance très bon enfant en apparence. Mais détrompe-toi. Les participants sont tout sauf naïfs. Et comme dans toute bonne discussion, on commence par parler de ce qui fâche. Moi, ça m'aurait vraiment ennuyé de faire un dialogue où on est tous gentils, tous bons, et puis voilà, on est tous pareils, c'est le même Dieu. Enfin, vraiment, c'était pas ça qu'on voulait dès le départ. Et avec Farial, on s'est souvent dit que si notre dialogue devait... Enfin, pour rester authentique, on devait désirer la conversion l'un de l'autre. Donc on se le dit, on se le rappelle régulièrement, mais on se dit aussi qu'il n'y a que Dieu qui convertit un cœur. Ce qui nous unit, c'est la recherche de la quête de la vérité. Plus maintenant. Moi, je veux le garder comme il est, c'est ça. Non, mais je pense pas avoir la vérité ultime et absolue et avoir absolue. Enfin, je pense pas comme ça. Et moi, autour de cette table, je sens aussi que j'ai l'impression d'être le moins pluraliste. Tu vois, Ouzbek, à ton époque, les empires musulmans comme le tien avaient des fortes minorités chrétiennes. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Et ça semble poser pas mal de questions à nos amis chrétiens. Même si, entre-temps, beaucoup d'entre eux sont devenus, j'espère que tu ne seras pas trop choqué, athées. Tu aurais pu imaginer ceci en France, fille aînée de l'Église ? Quand on est tous les deux, les gens... Ça les interroge. Ouais, quand Tanguy avec son col blanc et moi habillé comme ça en djellaba avec mon voile. On avait tracté ensemble sur la place du marché quelques jours avant le 3 janvier pour prier pour les victimes des attentats du mois de novembre 2015. Il y avait déjà les travaux du métro. Du métro. Et donc pour aller au marché aux légumes et trucs de choses du samedi matin, tout le monde devait passer sur un seul petit passage piéton parce qu'il y avait des travaux de toutes parts. Et nous, on s'était plantés au milieu. Et moi, je criais comme un vendeur de poissons. Venez au gymnase Manoukian, après-demain, pour prier pour la paix. Juste ça, tu sais, juste le fait d'être ensemble, on se rend compte que les gens, ça les interroge. Je crois que c'est plus difficile, ce dialogue avec des athées. Parce que quand on a organisé une marche fraternelle dans la ville, il y a quelques mois, certains membres du collectif ne voulaient pas venir, parce qu'ils disaient, ça, la prière, c'est vous, nous on ne peut pas y aller. Enfin, et pourtant, on avait une discussion en disant, mais tu es quand même un humaniste, tu peux dire que tu crois en l'homme, tu as des convictions, tu peux dire que tu as un idéal quand même. Non, à partir du moment où il y a de la prière, cette personne disait, elle ne pouvait pas venir. Mais c'était une petite anecdote pour expliquer comment ça rend difficile ce dialogue et que quand je suis avec Farial, jamais je me suis senti blessé par une... On se taquine, hein, mais sur des sujets qui ne touchent pas à ce cœur à cœur. Et donc c'est plus facile pour moi d'aller dans le groupe interreligieux avec les autres religions que d'aller dans le groupe où il y a où il y a des athées, quoi. La fraternité, c'est tout le monde pour moi. Mais là, tu sens qu'il y a une... On garde quelques distances entre les gens qui sont religieux et les autres. C'est pour ça que moi, j'aime les cafés Théo, les choses comme ça, des choses simples. Pourquoi avoir cette barrière entre les gens qui croient, entre guillemets, et qui ne croient pas? En plus, aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez compliqué quand tu portes le voile, machin et tout. Tu vois, il y a quelques années, on me regardait, c'était interrogatif. On me regardait comme ça et tout, parce que c'était... voilà. Aujourd'hui, c'est des regards qui sont méchants, en fait. Tu vois que les gens, derrière toi, voient les attentats, voient tout un tas de choses. Et je trouve ça... Généralement, on me dit, laisse couler, c'est pas grave et tout. Mais en fait, non, des fois, t'en as marre. Tu vois, t'as juste envie qu'on te laisse tranquille. J'ai l'impression que partout où je dois aller, c'est je suis en justification. Je dois me justifier de qui je suis, en fait. Du coup, je repense au Coran, tu vois, avec des paroles tranquilles où Dieu dit calme-toi et tout. Donc, du coup, je me dis, ok, c'est pas grave, je vais expliquer, je vais me justifier, je vais... Je suis dans cette démarche-là. Je parle trop, non? Non, mais c'est grave, personne ne m'arrête en plus. Pause dessert pour continuer. Parce que sinon après on aura tous parlé, qu'on n'aura pas encore pris le dessert. Et ça aura donné... Imagine Ouzbek, une autre France où l'on te trouve beaucoup moins séduisant, beaucoup moins exotique et surtout beaucoup moins fun. Je sais, c'est assez décevant. Je me dis que tu aurais certainement essayé de t'expliquer, toi qui aimes tant les défis. Guide de la France pour un musulman bien modéré, leçon numéro 1. La particularité de la France, c'est qu'on... Les Français disent à 30%, voire à 33%, qu'ils sont soit athées, soit agnostiques. C'est Samia Hatroubi, une militante et experte dans l'échange interreligieux. Elle travaille dans l'Europe entière. On interagit avec des personnes qui sont athées, agnostiques, qui peuvent aussi avoir des préjugés sur notre foi. Et inversement, les gens qui sont croyants peuvent avoir, et ils en ont en règle générale, quand j'interviens en formation et en sensibilisation, je le vois, peuvent avoir des préjugés, des idées préconçues, des stéréotypes autour des athées qui sont vus comme... je vais vous dire, hein, moi j'ai eu des termes, les athées sont vus comme des gens sans espoir... Seul, etc. Enfin, des termes qui sont relativement péjoratifs. Les athées sur les religieux, c'est un peu les mêmes. Hein. C'est violence pour les musulmans, donc terroristes. Voilà, à la limite, ça, je m'y attendais. Mais j'ai quand même eu, pour les juifs communautaires, apartheid. Et quand apartheid, il n'était pas question d'Israël, il était question de la France. La société française fait que la religion, on a le sentiment que la religion ne peut rien apporter de positif. Peu importe ce qu'une communauté va faire, il y a toujours une suspicion. Pourquoi est-ce qu'elle intervient dans la cité? Il y a toujours la religion et les communautés religieuses sont toujours perçues négativement dans le champ social. Puis, il y a un autre élément aussi extrêmement important dans l'inconscient et dans la mémoire de la France, c'est que les religions, et c'est Raymond Aron qui le dit, les guerres de religion ont tellement marqué l'histoire de France et la mémoire collective, que la religion est de fait rattachée à la violence, à des guerres. Et alors c'est encore plus vrai avec les attentats dits de ce terrorisme islamique. Les Français ont le sentiment que la religion, c'est vraiment porteur, et les communautés religieuses sont porteuses de violence ou de division, et jamais d'inclusion ou de richesse. Ouzbek, je parie que tu serais d'accord avec moi. Nul ne peut contester la noblesse de cette idée de la séparation des cultes et de l'État, née du combat contre les abus du catholicisme. Mais tu auras compris, cher Ouzbek, qu'une partie des Français est aveuglée par son rejet de toute religion, à tel point qu'il leur est difficile de percevoir que parfois les religions ont été à l'initiative d'idées progressistes. Ceci a peut-être été moins vrai en France, mais il suffit d'ouvrir un livre d'histoire pour apprendre qu'aux États-Unis, un des premiers mouvements féministes était né vers 1830 dans un cadre protestant, par exemple. Mais je m'égare. Revenons à la France, qui se veut être toujours la meilleure. Je sais que tu l'avais aussi constaté lors de tes voyages. La particularité de la France, contrairement à d'autres pays, c'est que la nation française s'est forgée autour de l'universalisme. L'ADN de la République française, c'est une république universaliste, laïque, qui, en quelque sorte, avec ce mythe de l'assimilation, oblige ses citoyens, ses concitoyens, à entrer dans un modèle où ils font fi complètement de leurs convictions. La religion ou l'identité religieuse ne fait pas partie des thèmes de la cité, et on a souvent tendance à penser que la religion ou les convictions ne doivent pas s'exprimer dans l'espace public, alors que c'est pas ça la laïcité en fait. Mais il y a vraiment cette idée-là, notre identité religieuse ne doit pas faire partie de cette citoyenneté française. Et on n'intervient pas dans la cité en tant que française musulmane, en tant que française athée, française juive, etc. Ce sont des choses qui sont de l'ordre du tabou. Moi, je l'ai vu dans mes classes, j'ai vraiment le sentiment que les élèves ont peur d'en parler, en quelque sorte. Chut. Par exemple, selon ton lieu de travail, il vaut mieux ne pas dire si tu jeûnes pendant le ramadan. Mon Dieu, où est le temps que l'on vivait en France? L'honneur et le printemps vivions en ordonnance. La laïcité, c'est le principe républicain d'organisation de notre société. C'est un principe qui protège chacun, qu'il croit, qu'il ne croit pas. Ce principe s'applique à tous. Il vaut pour toutes les religions de France. Nous ne pouvons accepter, bien sûr, que nos compatriotes musulmans soient pointés du doigt, stigmatisés. Faisons attention aux prochains débats, notamment à l'occasion des campagnes électorales qui arrivent. Mais c'est aussi, et je le redis également à cette tribune, à l'islam de France, comme le dit avec justesse le philosophe Abdennour Bidar, de faire son examen de conscience et de s'inscrire pleinement dans la République laïque et protectrice. Mon cher Ouzbek, es-tu prêt à faire ton examen de conscience? Oui, je sais, tu es un peu perdu et c'est normal. On touche là au grand paradoxe de la France. Alors que l'État demande aux individus de revendiquer le moins possible leur appartenance religieuse, un dirigeant de l'État est le premier à pratiquer l'assignation identitaire. Depuis les attentats, ce type d'interférence est devenu presque normal. Comme si, en disant aux musulmans qu'ils étaient directement responsables des attentats. Que ferais-tu, cher Ouzbek, dans cette situation? Faut-il répondre aux injonctions? Nous ne voulons pas de signes extérieurs d'appartenance à une religion. Dans notre pays, nous ne l'acceptons pas. Je sais, Ouzbek, c'est tentant de répondre, de se justifier. Le problème, c'est que tu risques de le faire tous les jours. Beaucoup pensent que répondre serait comme endosser la responsabilité des crimes que l'on n'a pas commis et qui n'ont rien à voir avec ta foi. Et ceux qui se prêtent sagement à l'exercice finissent par se transformer en ce qu'on appelle ici un musulman de service. Et il y en a quelques-uns qui sont très médiatiques. Mais je vais te les épargner. Heureusement, il y a quelques voix alternatives qui arrivent à s'élever, comme celle du théologien, l'imam Mohamed Bajrafil, qui est tout sauf un musulman de service. Mohamed Bajrafil est jeune et très populaire. Chaque vendredi, il prêche face à 3 à 4 000 fidèles dans la mosquée d'Ivry. Ses prêches circulent énormément sur les réseaux sociaux. Oui, Ouzbek, c'est un autre monde, je t'expliquerai. Et ce Comorien d'origine ne craint pas la provocation. Vous savez, madame, ce qui est parfois difficile, c'est que quand on parle, on n'a pas l'impression d'être entendu. Je l'ai dit dans les colonnes d'un journal qui est français, je le citerai, le Nouvel Obs, que la France appliquait plus la charia que tous les autres pays musulmans. Vous y allez peut-être un peu fort, comme maintenant. Parce qu'en fait, qu'on ne lapide pas, pardonnez-moi, non, mais on ne lapide pas en France. Parce que vous êtes mal informée, madame. Et c'est ce qui est regrettable dans tout cela. Bon, je m'en porte responsable, comme beaucoup, parmi les personnes qui font que, justement, on comprend mal l'islam. L'islam vise 5 objectifs, madame, qu'on appelle maqas de sharia, les objectifs. C'est le droit de croire ou de ne pas croire, le droit à la vie, le droit à la propriété privée, le droit d'être intelligent, et le droit à la succession de l'espèce. Ces 5 objectifs sont les objectifs de ce qu'on appelle charia. Charia, c'est pas lapider des gens. C'est autre chose, ça. C'est un point de jurisprudence sur 1 200 000 questions de droits musulmans. Et on a voulu aujourd'hui parce qu'il y a des actes barbares qui sont commis par des fous, qu'il faut appeler ainsi, et réduire la charia à la lapidation, etc. Et sincèrement, je vous pose la question. Si c'est les cinq finalités de l'islam, dites-moi un pays qui se veut musulman, qui les respecte ou qui veut les atteindre autant que la France. Je vous dis, il n'y en a pas un seul. Sauf que, encore une fois, quand on parle, on dit les choses, des fois, on a l'impression qu'on ne veut pas nous entendre. Et au fond, on ne veut entendre que ce dont on a envie. Mais voyez, vous me dites, vous y allez fort parce que vous dites que charia, c'est lapidé. Parce qu'encore une fois, les choses vous ont été mal présentées et malheureusement, vous n'avez pas été chercher l'information là où il faudrait. Ouf. Effectivement, il y va fort. Je parie que si on faisait un sondage sur les mots qui font le plus peur en France, le mot charia gagnerait haut la main. Toute phrase autour de ce mot reste inaudible. Mais au fond, qu'en penses-tu, Ouzbek ? Si un théologien musulman utilise Dieu pour légitimer les lois de la République, est-ce que la République y perd quelque chose ? Pour moi, le théologien est comme un marchand, sauf que c'est un marchand d'idées. Il propose une marchandise intellectuelle, les personnes sont libres de l'acheter ou de ne pas l'acheter. Et c'est au fond, si j'avais un combat, ce serait celui-là. C'est d'aider les gens à comprendre que si en islam, à la différence du christianisme par exemple, il n'y a pas de clergé, c'est justement pour que la personne soit libre de se choisir le chemin qu'elle estime être le bon. Mais que personne aujourd'hui n'est à être sous les ordres de personne. Parce qu'en islam, on n'a pas à être sous les ordres de quelque personne que ce soit. Et ça, c'est quelque chose que je trouve paradoxal chez nous musulmans. Et c'est sans doute pour cette raison que vous trouvez que dans mes propos, je suis parfois pas virulent, mais en tout cas pas tendre avec mes co-religionnaires en leur disant c'est pas possible. Nous sommes la religion qui a donné le plus de liberté entre guillemets aux fidèles, que aujourd'hui nous nous trouvions à la place de ceux qui ont le moins de liberté parce qu'un groupe de personnes a décidé que c'est d'eux que devaient venir les ordres et les autres devaient obéir. Je trouve ça d'un paradoxe incroyable. Je leur dis, il n'y a pas de clergé en islam. Ça veut dire en gros que quand vous posez une question à un imam, vous posez une question sans attendre de lui quelque ordre que ce soit. Vous avez à attendre de lui une proposition, des pistes. Libre à vous de les suivre ou de ne pas les suivre. Même celui qui fait ce qu'on appelle fatwa, un avis juridique, une règle dit, la fatwa n'engage que celui qui l'émet. Comment vous vous appelez ? Aziza. Merci beaucoup. Là maintenant, il vous reste seulement 2 minutes. 1 minute pour Cheikh Minta et 1 minute pour nous. Il faut que j'aille dormir, moi. Oui. À la rencontre annuelle des musulmans de France, Ashrafil est accueilli comme une sorte de star. Je vous ai remis mes coordonnées. On aimerait vous inviter peut-être Cheikh, Inch'Allah, sur la célébration de l'homme, soit au mois d'octobre, soit au mois de mars. Les musulmans l'appellent Cheikh. L'association, en fait, c'est pour venir en aide aux orphelins. Vous m'en avez parlé tout à l'heure. Il traverse l'immense parc des expositions, serrant des mains devant des stands. Allons-y, bismillah. Il y a celui sur la vente d'appartements à Bandi, celui des écoles de chant coranique, celui sur le secours islamique. Rebonjour à tous, pour ceux qui ont... Je me dis parfois que si tu revenais en France 3 siècles plus tard, Ouzbek, tu pourrais toi aussi être tenté de participer au débat autour de l'islam de France. Donc le titre, Sharia made in France, pour un... Toi qui es contre le fanatisme dans toute religion. De la question, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Monsieur Bajrafil. Le contexte, on ne peut pas en faire abstraction. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on me dit à moi ? On me dit, mais non, tu n'as pas le droit de lire le texte à partir des réalités qui sont les tiennes. Tu ne peux que regurgiter ce qui a déjà été produit. Et à partir de là, ne nous étonnons pas que nous nagions dans des contradictions parce que nous voulons vivre avec notre temps tout en restant prisonniers d'avis de gens qui, avec tout le respect qu'on leur doit, nous ont appelés davantage à ce que moi j'appelle l'insolence intellectuelle, c'est-à-dire oser aller à la rencontre des textes en faisant fi de ce que mon prof m'a dit. Ce qui est qui est grave aujourd'hui, c'est que nous sommes arrivés à une période de glaciation qui fait qu'on produit pas du tout, ou quand on produit, les personnes, on leur tombe dessus aussitôt. Aujourd'hui, nous avons cessé le débat. Dès qu'une phrase va à l'encontre de ce que nous avons l'habitude d'entendre sur Internet, lynchage. Oula, ils veulent changer l'islam. Vous avez parlé dans une conférence, une de vos conférences, de la création d'une nouvelle école. Oui. Et je voulais savoir en fait en quoi ça consistait exactement, et est-ce que ce n'était pas en contradiction en fait avec les autres écoles et, pourquoi et ce fait, serait en contradiction? Comment vous la voyez en fait vous, Moi, je n'ai pas dit, je ne suis pas forcément qu'on crée une école, de toute façon les choses s'imposeront d'elles-mêmes. Je suis en revanche pour que nous prenions, nous cachions pas les avis des écoles déjà. Si on acceptait déjà que tout ce qui a été dit soit porté à la connaissance de tous, bien des problèmes dont nous souffrons aujourd'hui seraient résolus. En fait, elle se créerait automatiquement, c'est ça ? Elle va se créer de toute façon. Vous savez, on est en train de patauger, de discuter islam de France ou je ne sais quoi. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, l'école andalouse, l'école, c'est des choses qui se feront ipso facto. On aura, il n'y a pas le choix. C'est les réalités que vous avez aujourd'hui ne sont pas celles des gens qui ont vécu ici il y a 30 ans. Donc forcément, on va devoir produire une pensée, une manière de comprendre les textes. C'est surtout ça qui est fondamental aujourd'hui. C'est quand on parle de réforme, ce n'est pas de prendre ce qui a été dit et jeter ou créer une nouvelle religion. Non, c'est de faire ce que les autres ont fait. C'est-à-dire que nous allons au contact des textes avec nos réalités, en tenant compte de nos contextes. Non, je comprenais, salam alaikum, je comprenais pas le terme islam de France, oui, en sachant que moi je connais qu'une seule islam, c'est oui, l'islam que le prophète nous a enseigné. Pourquoi prendre le terme islam de France, oui, que c'est, en fait c'est un terme qui divise. Je divise parce que les gens ne réfléchissent pas. Je trouve qu'en fait, il n'y a qu'une seule islam. Oui, pour toi, mais si on t'explique ce que ça veut dire. Que veut dire de ? De. La préposition de veut dire quoi ? Moi ? Non. De veut dire appartenir. Oui. De veut dire venir de. L'islam que j'ai appris, c'est l'islam du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khalas, après, on peut que pas... veut dire de ? Il est où le problème que tu dises ? Mon islam, quand quelqu'un dit mon islam. Non, mais t'as pas compris. Oui. Je dis, quelqu'un dit, mon islam me dit de faire ça. Tu vas te contredire, Mon islam. Après, je suis bien d'accord avec toi que chacun a une compréhension, chacun comprend à sa façon. Ça, je veux bien le comprendre. Mais c'est pour cette raison que quand on entend les mots, il faut ne pas être limité, buté. Non, je suis d'accord avec toi. Et savoir ce qu'on met derrière. Oui. L'islam de France, tu sais, cette expression-là. Pour moi, il est excessif. L'islam. Parce qu'on ne réfléchit pas, mon grand, et ce n'est pas de ma faute si les gens ne réfléchissent pas quand on leur parle. Je vais aller plus loin, laisse-moi finir, s'il te plaît. L'islam de France, le fachou, il ne veut pas l'entendre. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il se dit que l'islam va être considéré comme une religion faisant partie des religions de ce pays. C'est ce que peut vouloir dire l'islam de France, mon frère. C'est que l'islam fait partie du paysage français, qu'il le veuille ou non. Et le problème, c'est qu'en fait... Oui, mais c'est un sens. Et tu n'as pas le droit de dire ça. Si je te donne une phrase et je te demande de m'expliquer, je regarde les fleurs du jardin, ça veut dire quoi, cette phrase ? Les fleurs du jardin ? Oui. Je regarde les fleurs de ce jardin. Oui, mais je peux regarder les fleurs à partir du jardin aussi. Oui, il y a plusieurs sens. Ben voilà, mon grand. Ouais. Après moi, la seule conclusion que je veux dire, c'est qu'il n'y a qu'une seule islam. Mais tu es en train de convaincre un mec. Mais il a raison dans ce qu'il dit, parce que. Parce qu'à ce moment-là, la manière dont vous vous adressez à ce frère, adressez-vous de la même manière avec les politiques. Mais oui, je leur dis. Je l'ai écrit et je l'ai dit. Adressez-vous de la même manière avec les politiques. C'est les gens qui nous représentent. Merci beaucoup. Merci à vous. L'obligation est de rien. Je dois y aller. Leçon numéro 2. La bataille est dure et il faut la mener sur tous les fronts. Toi qui admirais à ton époque le modèle anglais, je sens que tu aurais envie de regarder comment ça se passe en Angleterre. Imagine-toi que Bajrafil est un sujet d'étude parfait pour Amin El-Yousfi, un chercheur qui travaille au Cambridge Muslim College. Oui, mon cher Ouzbek, à l'université de Cambridge, qui existait déjà à ton époque, il y a aujourd'hui un Muslim College, c'est-à-dire une université musulmane. Now, of course, there is a very interesting question. If I believe that the waters of the Ganga take away your sins, what happens to Vishnu now? Amin me fait rentrer dans une salle de cours de cette belle villa victorienne. D'un côté, des étudiants, souvent barbus. De l'autre, des étudiantes, toutes voilées. C'était un cours sur l'hindouisme, sur la religion hindoue. C'était un professeur qui enseigne dans la faculté des divinités. Il s'occupe du centre hindou à l'université de Cambridge. Et là, il donne un cours sur la religion hindoue, sur les dieux qui existent en hindouisme. Et l'ironie du sort, c'est que les étudiants, ils sont la majorité sud-asiatiques. Ils sont soit du Pakistan, soit de l'Inde, soit du Bangladesh. Et dans leur pays, ils étaient en contact chaque jour avec les hindous, mais ils ne connaissaient pas vraiment leur religion. Là, ils viennent dans un collège musulman qui, justement, les prépare à être de futurs leaders musulmans. Et c'est là qu'ils connaissent ce qui est l'hindouisme. Et c'est là qu'ils connaissent ce qui est la religion hindoue, pour justement connaître ce qui se passe dans le contexte britannique et pour qu'ils vivent en harmonie avec le contexte anglais qui comporte des hindous, des sikhs, des chrétiens, des juifs et des musulmans. Ah, je te vois déjà te projeter dans cet univers. Vous savez, les étudiants qui sont ici au Cambridge Muslim College, ce sont des étudiants qui ont fini leur cursus dans des madrasat urdur al-ulum, c'est-à-dire, on peut dire maison coranique ou école coranique, où ils ont appris, ils ont passé 7 ans, 8 ans, parfois 9 ans d'études islamiques. Ils connaissent très bien ce qu'est les sciences religieuses, ils connaissent très bien le Coran, etc., etc. Ce que j'enseigne, les autres traditions, à savoir le judaïsme, le christianisme, l'hindouisme, et puis tout ce qui est en relation avec la philosophie, avec la littérature anglaise, justement pour qu'ils seront aptes à se confronter avec le contexte moderne de l'Angleterre actuelle. Par rapport à la sociologie, là c'est autre chose. Je les initie aux sciences sociales pour justement qu'ils aient un certain esprit analytique du point de vue sociologique du terme par rapport à leur société. Imagine-toi Ouspek, diplômé d'une des plus prestigieuses universités mondiales, devenant un leader musulman. Je crois qu'il n'y aura jamais un équivalent du Cambridge Muslim College. Pareil en France, c'est-à-dire l'université musulmane de Sorbonne ou l'université musulmane de Paris. Leçon numéro 3. Si tu veux être un imam, Ouspek. Je travaille sur qu'est-ce que ça veut dire un leader musulman. Qu'est-ce que ça veut dire un leader local musulman. Et je compare la France et l'Angleterre par rapport à la situation du leadership musulman localement. Être un imam en France, c'est comme parler de quelqu'un qui pratique plusieurs métiers. L'imam en France, il n'est pas qu'imam. L'imam en France, il est psychologue. Il est acteur social. Il est plusieurs choses à la fois. Et parfois, on parle d'imam en France comme si c'est quelqu'un qui a une responsabilité parfaite, c'est-à-dire qui a justement du pouvoir au sein de la mosquée, alors que ce n'est pas le cas. L'imam est un salarié au sein de la mosquée. Le comité a eu du pouvoir. Le président de la mosquée a eu du pouvoir. L'imam, généralement, il est salarié au sein de la mosquée. Et c'est l'association culturelle qui gère, qui donne le salaire à l'imam. Et c'est l'association culturelle qui va décider de toute la stratégie de la mosquée, du discours de la mosquée. La vérité, c'est qu'il n'a pas trop de pouvoir. On voit les politiques qui s'acharnent sur le rôle de l'imam, s'acharnent sur l'imam, il est responsable de ça et de ça, mais la réalité, elle est autre. L'imam en France, il fait du bricolage. On veut que je sois, entre guillemets, le pendant du prêtre. Alors que c'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir, en fait. Moi, j'ai une vie civile, je suis marié, j'ai des enfants, et je suis pas imam H24, même si la vie telle qu'elle est ici exige que je mène une vie, peut-être même au-delà des fonctions d'un prêtre. Si je vous disais le nombre d'heures que je passe avec ma famille, je rentre chez moi tous les jours à 2h du matin. On n'a pas de vie. Et en face, on reçoit souvent des tomates de la part même de nos co-religionnaires. Et des fois, moi, m'est arrivé de pousser des gueulantes en disant « Oh, attendez, vous ne me payez pas, moi. Je travaille à côté, j'essaye de répondre à 36 000 choses. Il ne faut pas pousser. Je suis humain comme vous. C'est la vie d'un imam. Donc quand en face, on vient t'embêter au niveau de l'État ou je ne sais quoi, tu dis « Allez-y. » J'ai rien en fait, c'est qu'on prend plus de risques qu'autre chose. Surtout quand tu te dis, tu passes dans les médias. Depuis que je passe dans les médias, j'ai reçu une menace de Daesh. Les fachos te tombent dessus. Et c'est compliqué à gérer. L'imam en Angleterre, je vais pas dire qu'il a plus de pouvoir, mais il a plus de rôle. Quand je dis il a plus de rôle, c'est de par le statut de la mosquée en général en Angleterre, qui est très différent du statut de la mosquée en France. En Angleterre, l'imam, il a l'obligation de faire du dialogue interreligieux. La mosquée, elle a l'obligation de faire du dialogue interreligieux. La mosquée en Angleterre, elle a l'obligation de répondre aux besoins de la communauté qui l'entoure. Mais quand je dis communauté qui l'entoure, ce n'est pas la communauté musulmane. C'est la communauté du quartier, y compris chrétien, y compris bouddhiste, sikh, hindou, chrétien et juif. C'est-à-dire qu'elle doit répondre aux besoins, que ce soit en matière de santé, que ce soit en matière de chômage, que ce soit en matière de banque de nourriture, par exemple. Et donc, le rôle de l'imam et du président de la mosquée, il est plus global. Les communautés musulmanes sont devenues des partenaires dans le développement du quartier. Et ce n'est pas un choix, c'est une obligation pour la mosquée de participer. Pourquoi ? Parce que plus elle participe dans le dialogue interreligieux, plus elle participe à résoudre le problème du quartier, plus elle a des fonds de l'État. Donc c'est aussi une question de financement. Alors qu'en France, la mosquée, elle va être intéressée à avoir un contact avec la mairie. Si elle a besoin de construire une mosquée, elle a besoin d'avoir un permis de construction. Ou par exemple, dans un contexte de suspicion comme l'état d'urgence que la France vit en ce moment, elle a besoin de changer le point de vue qu'on a sur elle, qui est un point de vue de suspicion et d'optique sécuritaire. Donc c'est assez différent. Et bien sûr, le rôle de l'imam, il va changer avec. L'imam Bajrafil, il est suivi par une tranche de jeunes qui sont intéressés, qui ont besoin, qui ont soif d'un discours réformiste. D'un discours qui, en même temps, leur propose leur religion comme une religion actuelle, mais en même temps, une religion qui n'est pas en confrontation avec le contexte français, avec la laïcité. Donc c'est quelqu'un qui propose un islam de France. Personnellement, je crois qu'il va avoir un avenir très difficile en France. Et ça pour une seule raison, c'est comment l'élite politique française, elle voit le leader musulman. Et comment elle conçoit le leader musulman. Donc je crois qu'il va avoir un problème avec l'élite française si elle continue à concevoir l'islam comme un enjeu électoral qui sert à avoir des voix et qui ne sert pas à avancer la question musulmane en France. Every God, good religion. Every God, good religion. Every God, good religion. Written down in your soul. Have you been to the water, been baptized, so been converted, you feel Lord, and you got good religion down in your soul. Leçon numéro 4. Comment dialoguer avec les autres quand tu es un imam et que les instances officielles de l'islam ne te satisfont pas. Alors la rencontre de notre conseil... Un matin de ce beau printemps parisien, je retrouve Bajrafil dans une paroisse. Autour de lui, des participants à la conférence des évêques de France. Ils veulent tous le voir devenir un leader de l'islam de France. Alors si vous êtes là, c'est que vous avez eu le malheur ou le bonheur de publier un livre. On va être France, c'est vrai que c'est la sortie de votre livre... éveiller un petit peu à voilà un petit peu à ce que vous vivez, à ce que vous partagez. Et puis l'information d'hier aussi, c'était la communication faite par le Conseil français du culte musulman avec la création d'un conseil théologique. Alors avec Colette et Jean-François, on s'est tout de suite demandé qui allait faire partie de ce conseil. Et j'ai constaté que vous étiez absent. Pourquoi ne pas appartenir à un conseil théologique? En fait, à vrai dire, j'appartiens à un conseil théologique qu'on a créé en mai dernier, qui s'appelle le Conseil théologique musulman de France, qui bénéficie de l'avantage de n'être affilié ni à une organisation française, ni à une organisation française, mais d'origine étrangère. Je veille autant sur ma liberté que sur ma vie. Et pour cette raison, je ne veux être affilié à quelque organisation que ce soit. Je ne suis pas membre du CFCM et je pense que je n'en deviendrai jamais. Le CFCM, c'est le Conseil français du culte musulman, l'organisation officielle de l'islam de France. En tout cas, aussi longtemps que le CFCM continuera à fonctionner tel qu'il fonctionne aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un coup c'est un Marocain, un coup c'est un Algérien, je trouve que c'est vraiment se moquer du monde et je refuserai de faire partie d'une instance qui fonctionnent aujourd'hui encore sur des structures, je dirais pas tribales, mais blédardes. C'est pas un ping-pong entre les musulmans de France et entre eux, mais un ping-pong entre l'Algérie et le Maroc. Et c'est pas tant à l'organisation que j'en veux, si j'avais à en vouloir à quelqu'un, mais plutôt aux autorités de notre pays qui n'ont de cesse de nous parler d'un islam de France tout en continuant à fonctionner sur des bases blédardes. Enfin, je trouve ça d'une hypocrisie incroyable. Mais je trouve surprenant qu'on aille, en contexte d'islam de France, faire former des imams dans un pays étranger, si ami soit-il avec le nôtre, alors qu'on dit vouloir avoir un islam de France. Je m'interroge sincèrement et j'ai du mal, et j'ai eu à le dire à plusieurs reprises à des représentants du ministère de l'Intérieur en leur disant, enfin, à un moment donné, c'est bon, quoi. Je sais pas, enfin, et Dieu reconnaîtra les siens. Je pense sincèrement que nos politiques ne sont pas à la hauteur, parce que on a tellement de potentiel, c'est incroyable. Des fois, je me dis, mais c'est une richesse qui n'existe nulle part, en fait. On a des universités qui forment d'excellents chercheurs, mais on est obligé de partir à l'étranger alors qu'on peut servir notre pays. Pourquoi aller? Demain, je veux me retrouver dans l'obligation de partir aux États-Unis. Mais si je pars aux États-Unis, mais j'aimerais rester là. Mais les moyens font que... Je pense que la France ne sait pas suffisamment tirer profit et bénéfice des forces vives qu'elle a. Et ça, c'est un gros souci. Merci à vous. Je file, j'aurais bien mangé avec vous, mais là, il faut que je file. Et sur ces paroles, chacun a peur que Bajrafil quitte la France. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il parte en Angleterre? Parce qu'il est trop bien pour la France, je veux dire au revoir. J'ai oublié de te dire, Ouzbek, que depuis une vingtaine d'années, on parle de la fuite des cerveaux français vers l'Amérique et l'Angleterre. Leçon numéro 5. Gérer les propositions de l'étranger. Savoir jusqu'à quel point on est déterminé à se battre dans le système français. D'un côté, l'État laïque français n'entre pas dans le dogme, n'entre pas dans la théologie de l'islam, mais avec les phrases d'un Valls, avec les phrases d'un certain nombre de politiques qui disent clairement, textuellement, hein, je n'invente rien, il faut réformer l'islam. On a eu, et notamment avec le cas de la Fondation de l'Islam, on a eu des hommes politiques qui se sont transfigurés en tant que théologiens musulmans, en nous disant ce qu'il fallait qu'on pense, et ce qu'il fallait qu'on fasse, et ce qu'il fallait qu'on ne fasse pas. Enfin, on en est là. Alors qu'on est dans un État laïque où ils n'ont pas à entrer dans le dogme musulman ou dans la théologie, mais dans aucun dogme. Ils ne se permettraient même pas de dire ça à d'autres communautés religieuses. Mais on le fait avec l'islam, ça c'est aussi inquiétant. Je crois que ce jeu, notamment ce double jeu de sommer en quelque sorte les musulmans, de réformer ou de se réformer, ne concourt pas, n'aide pas des gens comme Mohamed Bajrafil ou d'autres qui auraient envie d'un mouvement de réforme ou de refondation ou de pensée critique d'un certain nombre de dogmes venus d'Arabie Saoudite. C'est très compliqué de réformer chez soi quand on a l'impression que vous êtes en train de suivre les conseils d'un Valls ou d'un Chevènement. C'est compliqué de réformer quand on a le sentiment qu'on répond au maître. Leçon numéro 6. En attendant de décider contre quel fanatisme tu préfères te battre en premier, venir au Café Théo et vérifier où tu en es avec ta foi. On va peut-être lancer la thématique. Ouais. En fait, on peut prendre... du coup, comme vous avez mangé, maintenant on peut commencer. Le choix qui a été retenu dans l'échange de mails, c'était comment ma foi me pousse à agir. Donc c'est hyper large et chacun est invité à dire ce qu'il veut. La foi, elle me pousse à me surpasser en fait, à me découvrir, à me redécouvrir. Donc la musulmane que j'étais il y a 7 ou 8 ans, c'est plus du tout la même que maintenant. Et j'espère que ce sera dans 10 ans, je pourrai voir une évolution aussi. Déjà, je pose des questions depuis que j'ai l'âge de parler. Vous pouvez demander à ma mère, c'est même écrit que je parlais trop dans mon carnet de santé, que je parlais beaucoup. Donc ma mère, depuis petite, elle me dit, toi, tu passes ton temps à poser des questions. Et je me suis rendu compte que, voilà, mes parents, mes grands-parents, c'est pas du tout un reproche. Hein. Ils avaient pas cette démarche de recherche ou de compréhension comme moi je l'ai. C'était on fait les choses parce qu'il faut les faire. Et du coup, moi, je suis arrivée en demandant pourquoi. Parce que j'aimais pas faire les choses sans qu'il y ait de sens derrière. Et du coup, j'ai vu que ça dérangeait un peu parce qu'il y avait pas forcément de réponse. Pourquoi on doit jeûner? Pourquoi on doit prier? Moi, ça me saoulait. Donc moi, je détestais ça, en fait. J'aimais pas du tout jeûner, j'aimais pas prier. On devait aller à l'école coranique tous les samedis. Je trouvais tout le temps, j'avais tout le temps mal au ventre. Donc moi, plus jeune, je vivais la foi comme ça. C'était la punition. Donc du coup, j'ai rejeté la religion en bloc parce que ça m'intéressait absolument pas. Parce que je comprenais pas. Et puis, vers l'adolescence, en fait, j'ai eu besoin de comprendre d'où je venais, ce que je faisais, à quoi. C'était quoi le sens, en fait? Quand j'ai commencé à découvrir un petit peu la foi et tout, j'étais très, comme ça, très excitée. Il fallait faire plein de trucs, il fallait changer dans ma vie, mais j'ai été garée des années. Ouais, j'avais l'impression qu'il y avait une montagne, en fait, qui me tombait dessus. Je voulais révolutionner toute ma vie. J'ai eu un rapport très, très, très frontal. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que déjà, je m'étais renfermée sur moi-même en ayant ce type d'approche. Et qu'en fait, c'est pas, j'aurais pas aimé qu'on me présente les choses de cette manière-là. Du coup, tu penses que c'est le caractère des personnes ou est-ce que tu penses qu'il y a plusieurs islams? Je pense qu'il y a un islam par musulman. Et c'est ce que je trouve beau. Parce qu'avant, je voyais les choses comme quelque chose de très uniforme. On devait tous faire la même chose, penser de la même manière, avoir les mêmes pratiques et tout. En fait, je me suis rendu compte que non. En faisant ça, t'enlevais quelque chose à la personne. En fait, on est comme on est et chacun, on pratique et on fait les choses à notre niveau, comme on a envie, sans contrainte, on n'est pas dans l'obligation. Tu te souviens ce qu'on s'était dit au premier café en terrasse? Moi, je suis bien conscient qu'au bout d'un moment, ça peut aboutir à une impasse et que... Mais il y a une chose qui nous maintient dans l'unité. Il y a une chose où on demeure unis et d'accord. Et c'est ça qu'on construit avec ces dîners, ces cafés. C'est croire dans la sincérité de l'autre. Et c'est ça qui nous réunit. Tu parlais à Anna tout à l'heure d'être en avant-garde dans ta communauté. Alors, j'ai pas la situation de tous les autres pays, je la connais pas. Mais je trouve, moi, depuis que je m'intéresse à l'interreligieux, je me dis, mais comment ça se fait qu'on en est que là ? Je trouve ça gravissime, justement, ce manque de dialogue, ce manque de connaissance de l'autre, cette difficulté dès qu'on veut organiser quelque chose. J'ai découvert en même temps qu'il y avait des milliards d'associations, justement, interreligieuses qui existaient. Et en regardant un peu plus près, je vois qu'il y a beaucoup des choses de représentation. Donc, des représentants qui font l'effort de se retrouver et de donner une image symbolique. Mais pas de réel échange et pas de réelle action commune. C'est-à-dire, il y avait l'effort, une fois par an, les responsables religieux de faire la photo ou de faire un repas commun. Le symbole qui est important, hein. Mais c'est peu. Moi, la mosquée qui est juste à côté de notre synagogue, depuis 5 ans, ils sont invités par écrit pour venir à Rosh Hashanah ou Kippour, qui sont une des fêtes les plus importantes, pour venir nous rendre visite. Lettre restée sans réponse. Déjà, pourquoi personne n'est allé frapper à la porte? On ne sait pas. On a envoyé des lettres. Ils sont la rue d'à côté, mais c'était des lettres. Pas de réponse à notre courrier. Bon, on a réussi à aller dire bonjour à la mosquée d'à côté, mais il a fallu 4 mois. Et là, maintenant, j'essaye d'organiser un rendez-vous entre le rabbin et l'imam. Ça fait 4 semaines que je suis dessus. Non, j'ai bon espoir, mais ça montre à quel point il n'y a pas l'habitude. Surtout dans le contexte actuel, qu'il y a des peurs, des résistances. Et certains, en ce moment, peuvent plus mettre l'accent sur la sécurité que sur le dialogue. D'autres considérer qu'on est déjà, la situation est déjà trop grave. On n'a plus le temps pour le dialogue, ce qui, pour moi, est une aberration. C'est sûr que le dialogue prend beaucoup plus de temps que la destruction, mais on ne peut pas faire l'économie du dialogue, d'autant plus que la situation est tendue. Moi, je rejoins tout le monde en ajoutant que ce n'est pas évident. Moi, il y a certaines choses que je fais, je ne vais pas le dire à certaines personnes parce que je sais qu'elles vont elles vont s'offusquer. Que j'aille au Shabbat, à la messe, que je fasse ce genre de choses, elles vont dire oh, pourquoi tu côtoies des égarés. Même quand je l'ai dit chez moi, je me suis dit comment ils vont le prendre, tu vois. Justement, comment ils le prennent à la maison? Bah très bien. J'étais étonnée, pour te dire, j'étais vraiment étonnée parce qu'au début, je n'osais pas spécialement le dire. Et puis, ils sont venus avec toi après. Du coup, ouais. Du coup, j'ai emmené tout le monde. Donc il faut y aller vraiment petit à petit, étape par étape, il faut avoir beaucoup de patience. Donc ma foi me pousse aussi dans ce sens-là, avoir énormément de patience. Alors que je te rends compte qu'on vit tous les uns à côté des autres. Enfin, moi je vis à Aubervilliers, il y a juste 180 nationalités, il y a énormément de religions, il y a des lieux de culte, mais en fait personne ne se côtoie. Je me suis rendu compte qu'il y avait certes une demande, mais que le premier pas était hyper dur à faire. Parce que tu sais pas comment l'autre va t'accueillir en fait. Donc tout le monde se regarde un petit peu, tu vois que les gens ils ont envie de se parler, mais ils savent pas comment faire. Pour moi, c'est pas un projet de court terme. Moi, je vois ça sur 10, 15, 20 ans, instaurer le dialogue, aller voir les jeunes. Souvent, puis on a beaucoup de clichés en tête. Il faut faire tomber les barrières, mais il faut vraiment y aller petit à petit. J'ai vraiment pas envie de braquer parce que je perdrais ces gens-là. Leçon numéro 7. Toujours garder son humour et essayer de le propager. De Paris, le 8 de la lune de Chaban, 1713. Je vois ici des gens qui disputent sans fin sur la religion. Mais il me semble qu'ils combattent en même temps à qui l'observera le moins. Non seulement ils ne sont pas meilleurs chrétiens, mais même meilleurs citoyens. Et c'est ce qui me touche. Cher Ouzbek, car je vais te donner un exemple. À travers toutes ces contradictions, il y a certaines expressions qui font leur chemin dans la langue française. J'en veux, pour exemple, l'expression « Starfoula » à la sortie de collège d'un beau quartier parisien. Moi, je dis, quand quelqu'un m'énerve, « Starfoula », tout court, c'est un mot tout seul. Tu vas certainement être surpris, noble Ouzbek, de voir qu'une expression que toi et moi on connaît bien est « Starfoula », qui signifie à la base « Je vous en prie » ou bien « Qu'Allah me pardonne ». Soit parfois faussement repris par des jeunes, et pas seulement par ceux qui ont des origines musulmanes. Mais n'oublie pas qu'il va falloir attendre quelques années avant que l'élite comprenne qu'il s'agit de la langue de ses enfants, sans pour autant qu'ils croient que c'est un signe de l'invasion de la France par les musulmans. De Paris, le 17 de la lune de Safar, 1717. À bientôt, cher Ouzbek. Je ne tarderai pas à t'écrire. Je te parlais l'autre jour de l'inconstance prodigieuse des Français sur leur mode. Cependant, il est inconcevable à quel point ils en sont entêtés. Ils y rappellent tout. C'est la règle avec laquelle ils jugent tout ce qui se fait chez les autres nations. Ce qui est étranger leur paraît toujours ridicule. Je t'avoue que je ne saurais guère ajuster cette fureur pour leurs coutumes avec l'inconstance avec laquelle ils en changent tous les jours. Mes lettres persanes. Guide de la France pour un musulman bien modéré. Une émission d'Ilana Navarro, réalisée par Annabelle Brouard. Avec la collaboration du docteur Samuel Everett du Wolf Institute de l'Université de Cambridge. Prise de son, Yves Lehor, Nicolas Mathias. Mixage, Guillaume Ledu. Avec Mohamed Bajrafil, Samia Atroubi, Amine El Youssfi et les participants au Café Théologique. Lecture des lettres, Pierre Beau. Merci à Ferial Mossafir, Anne Matatia, Tanguy Vieillard et la paroisse d'Aubervilliers, le Cambridge Muslim College et Tim Winters. Merci à la rencontre annuelle des musulmans de France, Vincent Feroldi et la conférence des évêques de France, Yann Boissière, Karim Misquet, Zera Kuniyera, Iris Misquet. LSD, la série documentaire, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez vraiment vivre ensemble, bibliographie, lien, nous podcaster pour la messe ou nous réécouter à la mosquée, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez toujours nous trouver sur Facebook et Twitter. Et demain, deuxième épisode, Mes lettres persanes, Sharia Council, mode d'emploi.